Et je veux vous parler de la manif qui s'en vient à Québec contre la répression policière. Ça m'inquiète beaucoup. Ça, c'est la manif à Montréal à chaque année que ça fait de la merde. Mm-hmm. Qui se pogne, puis il n'y en a jamais eu ici à Québec, puis il y en a une, la Ligue des droits et libertés. Et son porte-parole, Sébastien Hervé, annonce dans Le Soleil ce matin, si ma mémoire est bonne, qu'il va en avoir une à Québec là bientôt, dans les prochaines semaines, parce que ça n'a pas de bon sens, la répression policière à Québec. Sens-tu ça, toi? Non, pas très. Le 22 octobre, merci Mathieu. Oui, vous, là, à la maison, dans l'auto? Quand la dernière fois que vous êtes senti écœuré par la police, sur l'étiquette, toi, moi aussi. Un peu, là, les photos radars, les mecs un peu de temps en temps, là, sur Robert Bourassa, ils marchent en passant, là. En connaissant masque, ils en ont reçu, là, du 200-300 piastres. Parce qu'ils sont là des fois, puis ils sont pas là des fois. Maudit que ça m'écœure. Mais bon, l'étiquette, quand tu le pognes, là, ça écœure, mais en passant, c'est parce qu'on l'a mérité. Exact. Mais même si je pense que les limites de vitesse devraient être revisées, ils n'ont pas changé depuis le temps que le monde avait des bateaux, là. Mais en tout cas, il reste que... Ça, c'est tannant, mais bon, le reste, moi, quand je charge chez nous, me promène sur la rue. Il n'y a pas trop de répression policière. Il y a eu un peu de zèle avec les histoires des lumières sur les vélos. Ouais, mais c'est pas ça, anyway. Non, je sais. Là, ils font la répression policière. Le gars, il ne sent pas de bon sens, les itinérants se font donner des tickets. Mais ça a tellement pas rapport avec la police. Pourquoi tu fais une manif qui va... Là, ça va être de la merde, là. La casse, c'est sûr. Il va avoir de la casse, il va avoir des... Il sait, en plus, le gars... Il voit ce qui s'est passé à Montréal. Pourquoi tu fais une manif contre la police? Ouais, mais je le cite, là. Les itinérants se font écœurer, se font donner des tickets. Blâme pas la police. T'as pas le droit de flâner dans la rue. Si la police te donne un ticket, elle fait sa job, la police. Ouais, mais l'itinérant, c'est un problème de santé mentale, puis oh, là, t'as un point. Ouais. Là, je te suis. Pas à faute de la police. Bon, mais va manifester devant Pauline Marois puis le gouvernement. Ouais, mais je suis gauchiste. Ah, c'est ça, le problème. Parce que, effectivement, ça n'a pas de bon sens. Que des gens qui devraient être à Giffard ou soignés convenablement se ramassent dans la rue dans Saint-Roch. Je suis dans ta gang, je suis avec toi. Mais pourquoi t'es pas capable d'aller... Qui a pris la décision de la désinstitutionnalisation? Pas pire. Ah bon, c'est eux autres. C'est pas la police. Penses-tu que ça écœure pas les policiers de donner des tickets aux itinérants? Ben oui. Penses-tu que ça les écœure pas d'aller tout le temps dans les mêmes apparts, écœurer le même monde parce qu'ils pètent des crises puis ils devraient être soignés? Là, ça, c'est les premiers à dénoncer ça. Ils ont pas tapé 3 ans de technique policière puis Nicolette pour faire ça dans la vie, là. Tu comprends? C'est d'autres choses qu'ils voulaient faire, là. Alors, voici la réponse du porte-parole Sébastien Hervé, le porte-parole de la Ligue des droits et libertés. On va le citer intégral. Il vient de refuser une entrevue ici chez nous. Ça dommage, là. Je serais pas au garde. Il y a des bons arguments, le gars. Je veux juste pas qu'il fasse une manif contre la police. Faut qu'il abandonne ça. Il n'a pas la solidité émotive pour débattre et se faire blaster. Pas le blaster, il veut jaser avec. Il n'a pas la solidité émotive. Mais je peux même lui donner mes questions. T'as raison, il y a les itinérants qui se ramassent dans la rue. D'abord, il n'y a pas tant que ça à Québec. Comparativement à Montréal, il n'y a pas de problème majeur. On a prouvé au 93 qu'ils peuvent se faire du 20$ de l'heure. Des fois, c'est pas fort, là. Il y en a là-dedans qui n'ont pas d'affaires là. Il y en a d'autres que je suis d'accord avec lui. Santé mentale. Mais c'est quoi l'affaire d'écœurer la police? Il sait très bien que malgré ses bonnes intentions, sa manif risque d'être détournée par des casseurs dont le seul but est de se pogner la police. Puis à Québec, on était exempt de ça. On était bien. C'était à Montréal, cette merde-là. Là, il va nous amener ça. Ah, on va donner le trajet, on va être respectueux, je le souhaite. Peut-être que ça va bien se passer. Je suis pas, regarde. Je le souhaite qu'à Québec, on fasse encore exception, qu'il n'y ait pas de casseurs. C'est juste ça, puis vous marchez, puis ça se passe bien, j'ai rien à dire. Mais avouez qu'il y a un danger, là. Absolument. Il y a un danger d'infiltration par des casseurs, puis vous ciblez le mauvais monde. Ce n'est pas les policiers qui sont responsables de la désin puis de ce qui se passe dans Saint-Roch. C'est les autorités gouvernementales qui ont pas une scène. Ils ont pas une scène, ils sont pognés pour Giffard. Il était 5000 à Giffard dans les années 70-80. Ils sont rendus, là où le chiffre exact? Ils sont rendus aux alentours de 60. La population de Québec, elle a augmenté ou diminué? Augmenté. On est passé de 5000 à peu près, je pense qu'ils sont en bas de 100, les permanents. Les dernières nouvelles que j'avais, c'est un an et demi, ils m'avaient dit 150-200, mais c'était les derniers, ils enlevaient. Je sais plus comment il y en a un matin, là. J'avoue que je dis 50-60 en me basant sur ce qu'ils m'avaient dit avant, là. Mais il y en a plus. Alors ça, c'est un problème. Et parlant de Ligue des droits et libertés, là, vous dites, on va aller manifester parce que les itinérants se font écœurer par la police. Moi, cette Ligue-là, j'ai de la misère à suivre. Ils défendent souvent la liberté des marginales. Ils ont le droit d'être défendus, les marginales. Mais la liberté des gens de circuler sans se faire achaler par un itinérant, qu'est-ce que vous en faites? La liberté d'un commerçant dans Saint-Roch de prospérer, faire des affaires, faire travailler du monde, sans avoir quelqu'un à côté de sa vitre qui fait fuir les madames. Parce que c'est ça. Qu'est-ce que vous en faites de cette liberté-là? Quand le policier donne un ticket à un itinérant, est-ce que c'est la solution idéale? Non. Je suis d'accord, on est dans la même gang. Mais il n'y a pas le choix. Il faut au moins qu'ils essayent de faire respecter l'ordre. Parce que dans cette rue-là, Saint-Joseph et Saint-Roch, il y a des gens qui veulent circuler, travailler, ou prospérer, ou faire de la business, ou etc. Et souvent, les itinérants, ça nuit. Est-ce que la solution, c'est un ticket de police à long terme? Non, ça règle rien. Ça a l'air qu'il y en a un qui en a accumulé pour 50 000. Bon, alors, je suis d'accord. On aurait été, tu vois, d'accord avec ça. Mais je leur ai attiré sur le « tu trompes de cible ». Mais il va aller sûrement jaser à Radio-Canada. On va l'écouter à Radio-Canada. Mais ils veulent pas, oui, parce que probablement qu'eux autres, ils sont plus gentils. 9h02 au FM 93.